Chapitre 2e. La journée des préparatifs fut fiévreuse. Dautru et Bimouillet en passèrent une moitié dans les ascenseurs des grands magasins et l'autre plongée dans leur mal, dans leur unique mal, car fort sagement, ils avaient jugé inutile de s'encombrer de bagages et de séparer leurs respectives garde-robes, puisqu'ils ne séparaient point leur destinée et habiteraient là-bas la même chambre d'hôtel. Courbés sur le coffre d'osier doublé de moleskine, comme Mitron sur le pétrin, ils créaient d'ingénieuses architectures de chemises, de mouchoirs et de caleçons. Parfois, un trou profond, une oubliette, se creusait entre les piles. Tautru voulait le combler avec des chaussettes. Bimouillet avec des pains de savon et leurs mains concurrentes luttaient à l'orée de l'entonnoir. Au plus fort d'un de ces débats, ils s'agitèrent si bien que le couvercle de la malle bascula et retomba sur eux. « Christie, de nom d'un chien !» vociféra Tautru. Mais Bimouillet, amusé, dit en dégageant sa grosse tête. « Quoi, c'est pas de la sciure qu'il y a dans le panier ?» Le linge de corps rangé, tassé, calé, ils étalèrent par-dessus leur folie somptuaire, deux pantalons de piqué blanc, deux vestons d'alpaga gris-souris et quatre gilets garantis Oxford véritables où sur des fonds mastiques, azur, vert amande et cachou s'essaimaient en camailleux des fleurettes plus aériennes que des abeilles, à moins que ce ne fussent des abeilles plus graciles que des fleurs. Deux panamas, directement importés de Guayaquil et presque aussi souples que des gaufres refroidis, couronnèrent de leur jaune coupole l'accumulation de tant d'élégance. Enfin, ils fermèrent la malle et, recrus de fatigue, mais l'âme heureuse, ils se couchèrent. Tout le monde n'est pas Turenne qui, la veille d'une bataille, dormait sur l'affût d'un canon. De longues heures, Tautru et Bimouillet ne trouvèrent point le sommeil. À peine leurs paupières s'alourdissaient-elles que d'imaginaires sirènes, des coups de sifflet stridents, des mugissements de locomotives, les arrachaient à la torpeur commençante et les rejetaient, haletants, dans l'horrible inquiétude de se lever trop tard et d'arriver à la gare juste à temps pour voir filer le train. La tête douloureuse, le corps ardé de fièvre, la gorge plus sèche qu'une piste de caravane, leur doux matelas leur semblait le grill du martyr. Ils s'y roulaient d'un flanc sur l'autre en poussant de sourds gémissements. « On va être frais demain matin !» ronchonnait Bimouillet, qui était fier de son teint fleuri. Tautru, lui auquel le hasard avait dévolu d'héberger la malle commune, ne pouvait détacher ses regards de ce blanc polyèdre érigé au milieu de la chambre comme un socle en rupture de statue. Il grognait. « Je parie qu'on a oublié quelque chose, mais il n'eut pas pu dire quoi. » Et il enrageait de subir bon gré mal gré l'hypnose de cette boîte d'osier, évidemment bourrée de tout le nécessaire et même du superflu. Et vers la 6e heure, tandis que s'éveillait sur le bitume la matinale chanson des ballets municipaux, frôlement, bruissement, gazouille charmant de mille brins de bouleau aux mains de virtuoses pleines de nonchaloir, vers la 6e heure, Tautru et Bimouillet s'endormirent. C'est la trompette d'un rempailleur de chaises qui les fit bondir hors de leur couche. « Le train ! Le train !» hurla Tautru en assommant de coups de poing la cloison qui séparait son logis de celui de son camarade. « Si tu veux qu'on lui court après !» lui cria Bimouillet. « Il ne doit pas encore avoir dépassé Dijon. » Mais il plaisantait par habitude, sans conviction, car sa douleur d'une si ridicule mésaventure n'était pas moindre que la douleur de Tautru. Toute cette journée maudite, ils se cloîtrèrent chacun chez soi, s'ouvrant aux rumeurs de la ville, aux plaintes de leur estomac, absorbés dans la contemplation des lentes aiguilles sur le cadran de la pendule. À intervalles réguliers, comme des sentinelles autour d'une prison, ils s'assuraient mutuellement de leur vigilance. « Quelle heure as-tu ? » « 3h25. Moi aussi. » Pour guetter la fuite du temps, Tautru s'était assis sur la malle. À cause de ses jambes trop longues, ses pieds traînaient par terre, lamentablement tordus, et la tension criblait son visage. Il avait l'air, ô rodin impérator, d'un penseur maigre. Les premiers réverbères n'étaient point encore allumés qu'un taxi-auto déposait à la gare de Lyon les deux voyageurs et leurs bagages. Le train sur lequel s'était porté leur choix ne partait qu'à 19h10, à peine une petite centaine de minutes à attendre. Ils les employèrent à lire tous les horaires, toutes les cartes, tous les avis répandus sur les murs et à bêler perdument devant l'impressionnisme intrépide et commercial des affiches aux lamères bleues et indigo, le caprou au vermillon, le disque du soleil pareil à un panonceau de notaire, où les pins parasols semblent découpés dans de la toile vernie. l'enregistrement de la malle donna la chair de poule aux deux touristes. Lorsqu'ils entendirent le précieux coffre gémir entre les rudes mains des facteurs, ils souffrirent autant que si leur propre cœur eût été rudoyé, pétri, malaxé par ces coltineurs impies. « Il faut trouver des coins, » recommanda Bimouillet. Et Tautru, par hasard, étant du même avis, il partit en exploration de la queue à la tête du train. Mais l'affluence était énorme. Les coins non occupés par des personnes vivantes l'étaient par d'inertes colis que ni Bimouillet ni Tautru ne se fussent permis d'expulser car, faute d'entraînement, ils étaient tout à fait rayés en ces lieux. Ils longeaient timidement les couloirs, jetaient d'obliques coups d'œil dans les compartiments, des coups d'œil de parents pauvres admis par charité et qui n'osent réclamer leur place au foyer familial. Là de chercher d'improbables angles, ils se résignèrent à s'asseoir face à face, chacun au milieu d'une banquette, entre les oreillères gainées de cuir, où l'on ressemble à un patient sur le fauteuil d'un dentiste. Leurs compagnons de cellule n'avaient pas beaucoup de relief, un ménage d'Italiens bistrés, aux prunelles immenses, dans lesquelles il n'y avait rien qu'une extase bovine, une Marseillaise malpropre et couverte de bijoux en toque, qu'accompagne une fillette noiraude, grouillante, barbouillée de chocolat, et puis deux messieurs quelconques, sans âge précis, qui ne se connaissaient évidemment pas et ne cessaient pourtant de s'examiner avec intérêt. Ces deux messieurs occupaient les deux coins du compartiment, côté du couloir. Au-dessus de l'un, le filet fléchissait sous le poids d'une valise rebondie, en base jaune. Au-dessus de l'autre, le filet était vide. D'abord, le train roula à travers de larges espaces éclairés de mille lunes électriques captives sur de hauts perchoirs. À droite, à gauche, fuyait un paysage d'ombre chinoise noyé de lueurs fauves, vision cinématographique d'une ville incendiée ou de forges titanesques jetant leurs reflets jusqu'au ciel. Puis les lunes s'éclipsèrent, le ciel s'éteignit, la nuit devint plus épaisse au long des vitres. « Ça y est, » dit Autru, « on est sorti de Paris. » Et pour un peu, il se fit pencher la portière dans l'espérance de voir briller au lointain déjà la nappe étincelante de la mer. Il faisait à peine du 70 à l'heure ce rapide démocratique pourvu des trois classes. Mais telle est la puissance de suggestion des mots imprimés, qu'à force d'avoir lu que leur train s'appelait un rapide, à force de se répéter qu'ils franchissaient les distances sur les routes d'un rapide, les deux amis éprouvaient très réellement l'impression d'une course folle, d'une invraisemblable trajectoire accomplie à travers l'espace dans les flancs d'un bolide. Ils avaient un peu froid dans le dos, un peu la glotte étranglée, mais ils pensaient à l'obus de Jules Verne. Bondissant vers la lune et leur orgueil était immense de s'apparenter à des héros légendaires. Cependant, les Italiens avaient fermé leurs beaux yeux de ruminants et commençaient de ronfler aussi inharmonieusement que s'ils n'eussent vu le jour au pays de Puccini, le mari obstiné à de sourdes variations d'Ophicléide, la femme, un sempiternel, la bémol de clarinette, lancinant comme une plainte de nouveau-né. La jeune phocéenne barbouillée, fort tentée elle aussi de céder au sommeil, s'écroulait à chaque chaos contre l'épaule indulgente et capitonnée à souhait du dos du Bimouillet, qui souriait, tout remué de vagues regrets de paternité. La maman avait déplié sur ses genoux un numéro du journal des débats, qui est, de par son format, le journal rêvé pour les repas en chemin de fer, une sorte de nappe de famille, et elle picorait sur cette feuille distinguée des charcuteries canailles. Son voisin, qui était Autru, exprimait par de sévères grimaces son sentiment à l'égard d'une pareille vulgarité de goût et de manière. Mais la Marseillaise n'y prenait garde, tout aux délices de la galantine et du veau piqué. Comme Bimouillet et comme Tautru, les deux messieurs quelconques ne paraissaient disposés ni à dormir ni à manger. Quand le train entra en gare de La Roche, celui qui était assis à côté de Tautru se leva pour prendre sa grosse valise jaune. Dans le mouvement qu'il fit, son chapeau tomba et sur son crâne chauve apparut une loupe. Ce que voyant l'autre individu poussa un gloussement satisfait. Il regarda la loupe, il ramassa le chapeau, il en examina la coiffe, et se levant à son tour, il dit tranquillement « Eh bien, ça y est, Richard, t'es refait, je t'ai cette fois, allez, oust !» Ils descendirent ensemble du wagon et l'infortuné de Richard, vendu par sa loupe et par son chapeau, fut remis entre les mains des gendarmes. Personne, à l'exception des intègres comptables de la maison Abrahamseur, n'avait remarqué ce bref et saisissant drame policier. Ils en restaient rébobis. frissonnant de rétrospectifs d'égout à l'idée qu'ils avaient vécu 2 heures et demie dans la société d'un bandit. Et transporté d'admiration pour ce détective si prompt à identifier les gens et à les retirer de la circulation. Sherlock Holmes leur apparut une bien pauvre, bien pâlotte figure. Mais quelques minutes plus tard, ayant fouillé dans la poche de son veston afin d'y quérir de quoi fumer, Tautru constata avec une douloureuse surprise que l'homme à la loupe avait travaillé par là, aussi complètement que possible, puisque la poche était vide. Blague à tabac, canif, foulard, tout ce qu'il a gonflé naguère avait disparu. Alors il ne surent plus lequel il convenait d'admirer davantage, du subtil policier ou de l'audacieuse fripouille. Tautru voulait actionner la sonnette d'alarme, faire stopper le train, écrire au procureur de la République. Heureusement, Bimouillet lui représenta qu'un rapide n'était pas un autobus et qu'il lui fallait pour s'arrêter des motifs plus péremptoires que le vol d'une blague à tabac, d'un canif et d'un foulard, d'autant qu'aucun de ces objets n'était souvenir de famille ou pièce de musée. « C'est pour le principe !» affirma énergiquement Tautru. Il prit possession des 2 coins du compartiment devenu libre, et ils maudirent les ténèbres qui leur dérobaient les beautés du paysage et rendait l'admirable vallée du Rhône semblable à toutes les vallées quand il fait nuit. Cette néfaste obscurité, c'est le mur derrière lequel il se passait quelque chose. Aux approches de Montélimar, le mur perdit de son épaisseur. Le jour se levait. Tautru et Bimouillet allaient enfin pouvoir contenter leur fringale d'horizon. Mais ils ignorèrent le réveil du soleil et ne virent rien du tout, car depuis Valence, ils dormaient à point fermé. Il fallut qu'un contrôleur les secouât en gare de Marseille pour les tirer de leur léthargie. « La barbe !» bria Bimouillet en s'étirant. « On a encore piqué une romance. »« Oui, renchérit Tautru d'une voix lugubre. On dort toujours quand il ne faut pas. » Ils gagnèrent la sortie, car ils devaient attendre près de 2 heures un train pour Monte-Carlo. Tautru se faisait fort, en ce laps de temps, de descendre jusqu'au port, en passant par la Canebière, bien entendu, de grimper jusqu'au sommet de Notre-Dame-de-la-Garde et de manger une bouillabaisse chez Tassou. Il prétendait qu'on n'a pas le droit de toucher le sol de Marseille sans rendre visite à Notre-Dame-de-la-Garde, à la Canebière et à l'illustre Tassou. Il s'enquérait déjà auprès des indigènes de l'itinéraire à suivre quand Bimouillet parvint à le persuader de la folie d'une telle entreprise. « Nous verrons tout cela au retour, » lui dit-il pour le consoler. « Et ce n'est pas une, c'est 10, c'est 20 bouillabaisse que tu mangeras, puisque nous serons riches. »« C'est vrai, » murmura mélancoliquement Tautru, « j'oubliais. » Ils ne bougèrent donc point de la salle des pas perdus, prudemment isolés de la foule à l'extrémité la plus déserte, car l'abondance des écriteaux, prenez garde aux voleurs, suspendus au-dessus des guichets, les glaçait d'une singulière terreur. Sur les visages de tous les voyageurs qui sillonnaient le hall, il croyait déchiffrer les plus noirs dessins, et lorsqu'un gavroche minuscule, armé d'une brosse chauve et d'un chiffon sale, se précipita vers leurs pieds en criant « Cirez, messieurs !» Tautru blêmit et Bimouillet s'empourpra, ce qui était chez chacun selon sa complexion, le signe qu'il venait d'éprouver un grand choc. Il n'avait pas prévu que le train de 10h50 Marseille-Vintimille, qui allait les emporter, dessert pieusement, sans en omettre une seule, toutes les localités de la côte, les notoires comme les obscurs, et qu'il est par excellence le train des gens du pays qui va qu'à leurs petites affaires. Longtemps avant l'heure réglementaire du départ, les compartiments étaient bondés. Quels compartiments ! D'antiques boîtes peintes en jaune moutarde, que longeait un couloir intérieur, coupé de place en place, par des portes qui restaient obstinément closes si on voulait les ouvrir, mais qui se rouvraient avec une inlassable ironie dès qu'on souhaitait les maintenir fermées. Tautru et Bimouillet voyagèrent debout dans ce couloir, entre 2 portes capricieuses. Ils ne maudirent pas trop l'inconfort de leur position, puisqu'ils se trouvaient ainsi aux premières loges pour goûter les prochaines féeries de la lumière, des fleurs et de la mer. Aussitôt dépassées les dernières maisons des faubourgs marseillais, qui ne présentaient en réalité aucune caractéristique digne d'exorbiter des yeux septentrionaux, ils collaient en effet aux vitres troubles leurs 2 bras figures candides prêtes à l'admiration. Mais à peine avait-il distingué 3 pieds d'aloès, énorme pieuvre végétale aux bras menaçants, une palissade drapée de glycine et la touffe d'or d'un mimosa, que de violentes protestations s'élevèrent dans le wagon, parce que le soleil tapait dur, qu'il y avait de grosses dames qui se pâmaient de congestion, et des nourrissons géniards, que le jour trop vif empêchait de s'endormir. Apostrophé, objurgué, raillé dans un idiome volubile hérissé de rudes consonnes comme un mur de tessons de bouteille, Tautru et Bimouillet se résignèrent à fermer les stores. Leurs compagnons de route, en ayant fait autant de l'autre côté, les splendeurs méridiennes, puis celles du couchant, puis les mauves harmonies du crépuscule, furent pour les infortunés comme si elles n'étaient point. Et jusqu'à Monaco, ils baignèrent lamentablement dans une demi-obscurité de crypte, lourde d'odeurs complexes, âcres, inanalysables pour des odorats d'importation, mais éminemment méditerranéennes. Entre Monaco et Monte-Carlo, Tautru et Bimouillet eurent enfin tout loisir de désaveugler les fenêtres et de regarder le paysage. Il n'y avait plus que d'eux dans la voiture. Malheureusement, le paysage se réduisait à des murailles où ils retrouvèrent les mêmes plantes grimpantes entreaperçues naguère et à des talus armés de ces aloès tentaculaires dont ils connaissaient déjà la rébarbative silhouette. Seule la vision brève du rabbin de Sainte-Dévote, où le crépuscule commençait d'entasser de l'ombre, fouetta leur curiosité. Mais ils en commentaient à peine le pittoresque impressionnant que le rabbin avait disparu et que l'impitoyable locomotive s'époumonait de nouveau au fond d'un couloir aux parois de meulière.